Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est Dr Disco et Mr Funk et on va passer une demi-heure ensemble, bien tranquillement. La découverte d'aujourd'hui, c'est Alicia Bridge avec I Love the Nightlife, sorti en 1978. Le titre figure sur la bande originale de Priscilla, Folle du désert, le film sorti en 1995. Il fait aussi partie du classement des chansons les plus mémorables du disco, instauré par MTV en 1998. Elle aura par la suite une carrière comme tant d'artistes de One Shot connaissent. Allez, faites place! La double dose du jour va être consacrée aujourd'hui à Evelyn Champagne King. La chanteuse est née le 1er juillet 1960 à New York et elle baigne vite dans la musique car son père il est chanteur dans plusieurs groupes mais aussi chorégraphe. À 14 ans, elle débute dans le chant et signe très vite un contrat chez RCA Records. Elle choisit le surnom de Champagne en rapport avec celui que sa mère lui a donné très jeune, Bubble, qui signifie bulle. Pourquoi pas? Son premier album studio, Smooth Talk, est publié en août 1977 et est certifié disque d'or. Le public la découvre avec le single Shame. Son deuxième album sort l'année suivante et est certifié lui aussi disque d'or. Quelle collection! Au début des années 80, sa maison de disques retire le mot Champagne sans son consentement le temps de deux albums pour soi-disant la rendre plus mature. Le single Love Come Down leur donnera raison car il se classera premier au top US. Et c'est pareil pour I'm in Love, qui deviendra un tube de légende. Après, elle va sortir régulièrement des titres jusqu'à la fin des années 80. 90, elle est plus discrète. Elle va revenir sur le devant de la scène en 2007 avec Open Book, qui restera son dernier album. En 2015, elle forme un groupe, First Lady of Disco, pour un titre Show Some Love. Alors, pour l'anecdote, en 2004, la chanson Shame est introduite au Dance Music Hall of Fame au même titre que Staying Alive ou I Will Survive. Passons maintenant à l'écoute. Alors, je vous ai choisi Love Come Down et I'm in Love. C'est parti. À aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Ooh. Alors, le maxi du jour est pour Baby Q and Band. Leur nom veut dire Brooklyn, Bronx and Queen Band. Un des tubes phares du disco leur appartient, le bien nommé On the Beat. Sorti en 1981, il enchante tous les dance floors aujourd'hui encore. Le groupe se payera même le luxe d'embaucher Luther Vandross comme choriste pour leur deuxième album. Alors, poussez les timbres et laissez-vous aller, c'est parti! Are you ready or not? It's only up the street. Really special. From what I heard them say, the music that they play is nothing like you ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps in time. What you say now? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing. I'm a begging you now, it's where we both to be. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing, and everybody's on the beat. I'm a begging you now, it's where we both to be. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors, pour l'instant français, je vais vous reparler d'un artiste déjà évoqué. Il s'agit de Claude François. C'était en mars, à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition, et je vous avais diffusé Alexandrie Alexandra. Alors moi, perso, j'ai du mal à dissocier ce titre de l'autre célébrité qui est Magnolia Forever. Et comme il s'agit aussi d'un de mes coups de cœur disco, on va l'écouter aujourd'hui. Le titre est sorti en novembre 1977 et les paroles sont d'Étienne Roda-Gil. Il est extrait de l'album portant le même nom. La chanson parle d'amour. C'est aussi le dernier 45 tours sorti du vivant de l'artiste et il s'en vendra 600 000 exemplaires. On va écouter ça maintenant, mais avant je voudrais la dédicacer à une future retraitée, Christine B. Bonne retraite, bonne écoute Christine. Je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise. Comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois sa voix, et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Alors voici venu le temps de la pépite. Aujourd'hui, j'ai choisi The Ritchie Family. On en a déjà parlé et vous savez bien que c'est mon générique de l'émission. Je vais vous faire écouter un extrait de leur 8e album, I'll Do My Best. L'extrait s'appelle This Love On Me et ça restera l'un de leurs derniers succès. Le groupe se séparera quelques années après. C'est parti. We'll be right back. Alors il est temps de se dire au revoir, je vous dis bonne soirée, bonne semaine et à samedi prochain sur Fat Jet. Bye bye.